Monsieur ka marié ka placé arrêté point kay belle mère Monsieur ka marié ka placé arrêté point kay belle mère Tout ça ou fait la passer dans main arrêté wa va mandé Tout ça ou fait la passer dans main arrêté wa va mandé Wa travaille pour payer loyer pour dépenser tous les jours Wa travaille pour payer loyer pour dépenser tous les jours Madame pas content maman bien boudé tous les jours madame pas content maman bien boudé tous les jours monsieur cap marié cap placé Monsieur Cap marié Cap placé, tout ça vous fait la passer dans mer. Tout ça vous fait la passer dans mer. Quoi que vas-tu pour payer loyer? Pour dépenser tous les jours. Quoi que vas-tu pour payer loyer? Pour dépenser tous les jours. Madame pas content maman bien boudé. On est pas bien tous les jours. Madame pas content maman bien boudé. On est pas bien tous les jours. Mangez sa pantalon, mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Belle mère, fin pour mettre nos têtes chargées. Mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Aïe, babo qui bé, belle mère. Mangez sa pantalon. Les malhonnêtes. Mato, mato, di mato, mato, di mato, ai babo ki be belle mère moi, ai babo ki be belle mère moi, belle mère fit pour mettre nos têtes chargées, ai babo ki be belle mère moi. La chita n'a pas la la surveiller, ma tu as rentré, la fête radiographie.